Section 27 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 27. L'adoré par René Mézeroy. Août 1885. Il était midi. La terre ardait sous le soleil, se fendait en sinueuses crevasses. Les odeurs de myrrhe et de résine qui s'évaporaient des pins, le parfum poivré des œillets, l'arôme musqué des roses reines qui montaient des plates-blandes, les effragrances des regains qu'on fauchait dans les prairies avaient une telle force, une intensité si grisante, que le cœur et la tête en étaient étourdis, comme après une nuit d'amour folle, où toutes les heures ont marqué de nouvelles étreintes. Dans le chemin stationnait une charrette attelée de deux bœufs roux, qui sommeillaient les yeux ouverts, et par instants secouaient d'un long frémissement leurs échines puissantes, harcelées par des essaims de mouches jaunes. Et au milieu des meules de foin, tandis que les autres faneurs siestaient sous les arbres, nous vîmes un couple qui se parlait d'amour. L'homme, un robuste aux épaules solides, avait de son bras nu entouré la taille de la fille, et goulûment, comme on boit quand on a soif, l'embrassait sur la bouche. Il y avait une telle béatitude, une joie si bestiale, dans le renversement de tout son corps, qui se frottait, des seins qui se gonflaient sous le corsage, de ce torse qui se tendait aux caresses du mâle, dans ses yeux allumés d'une folie, que nous les enviâmes sans oser nous le dire. Le baiser n'est-il pas presque tout l'amour, presque tout le bonheur, le baiser où l'on se sent, où l'on se respire, où l'on se confond en une seule âme, où l'on ne voit plus rien, où l'on s'anéantit en un ravissement. Le baiser où tout l'être se donne avec les lèvres. Le baiser qui est plus inoubliable que les solennels serments. La caresse suprême qui délecte, qui brise, qui nous emporte en des paradis de rêve. Fin de la section 27, enregistrée par Margot.